Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de ce 2 septembre dont voici la charpente. Six écoles d'excellence au niveau national vont être ouvertes au début de l'année scolaire en 2016-2017. Ces écoles accueilleront les premiers des classes de 6e année primaire au niveau national. L'annonce est de la ministre burundaise de l'Éducation et de la Recherche scientifique que vous entendrez dans ce journal. Dans ce journal également, on parlera de ces conducteurs de taxi-moto qui doivent désormais disposer de deux gilets et deux couleurs bleu ciel, nous dira dans ce journal le directeur général des transports qui indique en outre que la mesure ne vient pas pour lever celle interdisant ces motards d'arriver au centre-ville de Bujumbura. Quatre jeunes gens de la commune Mugamba en province de Bururi ont été arrêtés puis retenus au cachot de la police de cette commune. Ils sont accusés d'avoir tué une fille de Nyagasasa samedi dernier. 50 000 francs burundais, telle est l'amende que doit payer chaque élève du lycée Musinzira en province de Gitega pour avoir participé à une bagarre, les ayant opposés à ceux du lycée de Gishubi de la même province. Vous aurez les détails dans ce journal mis en onde par Eric Ouimana à la présentation. Mireille Kanyange, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, page éducation pour débuter ce journal. Le gouvernement burundais va ouvrir 6 écoles d'excellence au niveau national au début de l'année scolaire 2016-2017 qui approche. L'annonce est faite ce vendredi par la ministre burundaise de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était au cours d'un point de presse. La ministre Janvière Ndirahisha informe que ces écoles vont accueillir les lauréats qui ont été premiers dans les classes de 6e année primaire au niveau national qui auront réussi au test d'admission dans ces écoles d'excellence. Le point avec Évariste Nzikobanyanga. Ces 6 écoles d'excellence sont le lycée Moussaigny en province Ngozi, le lycée Kiremba en province Bururi, le lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega, le lycée Rusengo de Ruyigi et les lycées Saint-Marc et Ngagara dans la ville de Bujumbura. Le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique indique les élèves qui seront accueillis dans ces écoles dites d'excellence. Au nord du pays, le lycée de direction provinciale de Ngozi accueillera les élèves des provinces Ngozi, Kayanza, Kirundo et Muyinga. Ils seront inscrits. Au centre du pays, le lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega accueillera les élèves des provinces Gitega, Karusi, Mulanda et Mwari. Au sud du pays, les élèves des provinces Rumonge, Bururi et Makamba vont fréquenter le lycée de Kiremba Sud. À l'est du pays, les élèves des provinces Ruyigi, Changuzo et Rutana vont fréquenter le lycée de Rusengo. Compte tenu de la densité élevée des écoles dans la région ouest du pays, les élèves des provinces Bujumbura, la mairie de Bujumbura, Bubanza et Chibitoke seront inscrits dans 2 écoles d'excellence, à savoir le lycée Saint-Marc et le lycée Ngagara. Chaque élève qui désire entrer dans ces écoles devra passer un test d'admission, ajoute la ministre Janvière Ndirahisha. Pour avoir accès à cet enseignement d'excellence, il sera organisé un test portant sur 2 disciplines, à savoir le français et le calcul, pour la sélection des élèves entrant en 7e année, tandis que les élèves des premières années du poste fondamental, ils seront orientés en tenant compte de la note du concours national de certification et d'orientation au poste fondamental. Les candidats admissibles à ce concours de sélection proviendront des meilleurs écoliers qui se sont classés premiers de la classe à la fin de la 6e année, et ceci au sein de toutes les écoles fondamentales du Burundi. Ce test sera passé en date du 14 septembre en cours au chef-lieu des provinces. Les lauréats sont appelés à arriver une journée avant, munis de leur bulletin et accompagnés par leurs parents. Le ministère en charge de l'éducation ne va rembourser que les frais de transport à ces écoliers. Merci à Évariste Nzikobanyanga. Page sécurité de ce journal. 4 jeunes gens de la commune Mugamba en province Bururi ont été arrêtés puis retenus au cachot de la police de cette commune depuis dimanche dernier. Leurs familles parlent d'arrestation arbitraire sans mandat d'arrêt au moment où la police dit enquêter sur le meurtre d'une jeune fille de Niagassassa le week-end dernier. Le point avec Jean-Pierre Misago. Selon les proches de ces jeunes gens, ils ont été arrêtés dimanche dernier à Niagassassa sans aucun mandat d'arrêt. Les mêmes sources indiquent que ceux qui ont tenté de demander le motif de cette arrestation ont essuyé des menaces de la part des policiers. Un autre jeune a été arrêté dans les mêmes conditions ce mercredi au marché de Tora. Mais il a été libéré ce jeudi après des enquêtes menées jusqu'à sa colline natale, lesquelles enquêtes ont révélé que cet élève du cycle supérieur était innocent. Les informations proches du commissariat de police à Bururi indiquent que les quatre jeunes de Niagassassa sont toujours sous interrogatoire sur leur présumée participation dans l'assassinat d'une jeune fille de Niagassassa tuée fusillée chez elle la nuit de ce samedi passé. Pendant ce temps, le parquet de Bururi dit ne pas être au courant de l'arrestation de ces jeunes de Niagassassa. Dans la même province de Bururi, cette fois-ci au niveau de la rivière Jiji, à la frontière des communes Songa et Bururi, un jeune homme armé d'un fusil de type Kalachnikov a tendu une embuscade à un véhicule de l'évêché de Bururi vers 19h45 de ce jeudi. Sans y parvenir, la police à Bururi dit que le véhicule a pu continuer son chemin, mais le malfaiteur n'est pas encore arrêté. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Chaque conducteur de taxi-moto doit désormais disposer de deux gilets de couleur bleu ciel, conformément à la nouvelle mesure du ministère des Transports. Jean-Claude Mahonimana, directeur général des Transports, précise que le prix unitaire du gilet sera fixé par le collectif des associations des motards. Suivez-le, il est au micro de Placide Niomungere. C'est une suite d'une mesure qui avait été prise au mois de décembre en 2015 qui disait que le port des gilets est obligatoire pour les mototaxis. Lesquels gilets portent des numéros d'identification? Et lequel numéro d'identification est inscrit sur la plaquette qui est sur la moto? Quitte à ce que s'il survient un cas de malfaisance avec le mototaxi, que quand même les enquêtes puissent aller plus rapidement. Auparavant, on pouvait porter ou ne pas porter, ou alors le prêter à quelqu'un d'autre. Mais maintenant, la différence est que le gilet, c'est caractéristique aux motos. Si on parvient à identifier le numéro du gilet ou le numéro de la plaquette, on saura immédiatement le propriétaire, sa résidence, le quartier, voire même la rue. Quelle est la somme réservée pour avoir ces gilets? Ce n'est pas de ressort de notre ministère, non plus de ma direction générale. C'est plutôt de ressort de ces associations parce qu'elles se sont convenues à un prix. Ils se sont dit, bon voilà, on va donner un gilet à tel montant, deux gilets à autant, à une plaquette à autant. Et c'est un compromis entre les associations de ces motards. Le directeur général des transports ajoute que cette mesure ne vient pas lever celle interdisant ces motards d'arriver au centre-ville de la capitale burundaise. Comme d'aucuns le savent, nous vivions des moments très difficiles. C'est à ce moment alors que les autorités de l'administration du territoire ont pris quand même la mesure pour qu'il y ait un peu de sécurité des citoyens. Si vraiment ils apprécient que le mouvement des motards est maintenant maîtrisé, je crois qu'ils pourront prendre une mesure appropriée. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro, ce journal se poursuit. 50 000 francs burundais, telle est l'amende que doit payer chaque élève du lycée Musinzira en province de Gitega qui a participé à la bagarre qui les a opposés à ceux du lycée de Gishubi de la même province. Cela ressort de la décision prise par le directeur du lycée Musinzira. Selon le communiqué qu'il a sorti ce mardi, les parents de ces élèves disent que cette somme est énorme et qu'actuellement, ils peinent à chercher le matériel scolaire pour les autres enfants. Les détails avec Arthur Kavaouchi. Selon le communiqué affiché au lycée Musinzira, que ce soit les élèves promoteurs de cette bagarre ou ceux qui n'y sont pour rien, tout ce monde doit payer cette amende pour pouvoir recevoir le diplôme. Les promoteurs devront payer 50 000 francs au moment où ceux qui n'y sont pour rien paieront 30 000 francs chacun. Cependant, pour ceux qui vont traîner, il est dit qu'à partir de ce lundi 5 septembre jusqu'au 10 octobre 2016, une pénalité de 10 000 francs par jour leur sera infligée. Et à partir du 10 octobre, jusqu'à 3 mois après, une décision de confisquer et de déchirer ces diplômes sera prise, comme ça figure dans ce communiqué. Cette situation met en alerte ses élèves et ils demandent la prolongation de la date de remise des diplômes qui était fixée pour ce dimanche. Quant aux parents des élèves concernés, ils disent que cette amende est énorme au moment où ils sont dans une grande misère et qu'ils sont en train de peiner à rechercher le matériel scolaire pour les petits frères de ces élèves finalistes des humanités générales. Ils demandent que cette décision soit révisée et que la lumière leur soit donnée quant à celui qui a le pouvoir de confisquer ou de déchirer un diplôme. Charlemagne Douayo est le directeur du lycée Moussinzira. Excepté le fait qu'il nous a dit que nous n'avons pas le droit de lui poser des questions en ce qui concerne cette décision, il a tout de même refusé de répondre aux autres questions. Rappelons que cette bagarre a eu lieu le 4 août 2016 et qu'il y a un élève du lycée urbain de Gitega qui a été blessé et qu'un préfet de discipline de ce lycée a été tabassé. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Quittons la province Gitega pour nous rendre en province Ngozi pour parler des grognes des habitants du quartier Burengo et ceux de la ligne Rukecho-Busige et autres s'inscrivent en faux contre la coupure d'électricité chaque fois à 22h jusqu'à l'aube et craignent l'insécurité à cause de l'obscurité. La régie des eaux parle donc des lestages faits en vue de gérer le peu d'eau se trouvant dans le lac de captage de Rwegura, Apollinaire Muzagara. Selon les habitants de ce quartier, ce délestage qui commence à 22h jusqu'au matin. Conséquence, la recrudescence des cas de banditisme dans les ménages pendant la nuit. Les habitants de Burengo et ceux des centres de négoce craignent également des malfaiteurs qui pourraient profiter de cette obscurité en vue de commettre des forces. Le chef régional nord de la régie des eaux explique que ce délestage est fait dans le but de mieux gérer le peu d'eau qu'a actuellement le lac de captage de Gwegur. Ingénieur Désiré de Mugwango indique que nuit était sur délestage de la nuit. Ces quartiers et chefs-lieux des communes et zones pourraient même ne pas avoir le courant électrique la journée. Il indique également que son délestage doit continuer du moment que les pluies vont tarder à tomber selon des informations en sa possession. De telles grognes s'observent également du côté de certains établissements secondaires. Se sont vus leurs compteurs débranchés suite à l'endettement auprès de la régie des eaux. Et le cas d'une technique, Alessandro Rossi, qui dit avoir du pain sur la planche à ouvrir la porte lors de la prochaine rentrée scolaire. Cette école possède des sections électromécaniques, électroniques et informatiques qui nécessitent le courant électrique. Le lycée technique doit à la régie des eaux plus de 20 millions de francs, une somme difficile à rembourser selon la direction. Apone Muzagara, Radio Sanganib. Merci à Apollinaire Muzagara. Dans quelques instants, c'est la page internationale. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale au Pakistan, 11 personnes sont mortes et 40 blessées dans une attaque visant à la justice pakistanaise ce vendredi matin en Libye. En un mois, les États-Unis ont réalisé plus de 100 frappes aériennes contre l'État islamique au Gabon. Un millier de manifestants ont été arrêtés ce jeudi suite aux élections présidentielles et des détails avec Ruben Ngabo Gildas. Au Gabon, les forces de sécurité gabonaises ont arrêté plus de 1000 personnes durant la deuxième journée de violence. 3 personnes auraient trouvé la mort à Libreville. Selon le site de BBC Afrique, des manifestants soutenant le camp de l'opposition ont envahi les rues de la capitale gabonaise peu après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo Ondimba aux élections présidentielles. L'ONU, l'Union européenne, Washington et la France appellent à une meilleure transparence autour des résultats. En Libye, les frappes de l'armée américaine se poursuivent à un rythme régulier sans pouvoir dire quand l'opération se terminerait. Comme on le dit sur le site de Jeune Afrique, depuis le début de l'opération le 1er août, l'armée américaine a procédé à 108 frappes avec des drones, avions ou hélicoptères pour aider les forces du gouvernement national libyen à reprendre aux djihadistes de l'État islamique la ville de Sirte. Au Pakistan, Deux attentats ont secoué vendredi matin le nord-ouest du Pakistan, où au moins 11 personnes ont été tuées par un kamikaze dans un tribunal et un garde abattu lors d'une attaque contre un quartier chrétien des abords de Peshawar. L'assaillant a tiré pour forcer l'entrée du tribunal, puis lancé des grenades avant de déclencher sa veste explosive au milieu de la foule présente en ce début de matinée. Comme on le lit sur le site de Yahoo, ces attaques n'ont pas été revendiquées pour le moment. Le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a condamné l'attaque de vendredi à Peshawar. À la source, reportage. Le reportage du jour nous conduit dans la commune Guihete en province Gitega où les nouvelles matières introduites dans certaines écoles de l'enseignement post-fondamental doivent être dispensées par des enseignants qualifiés mais qui manquent encore. L'exemple est celui du lycée communal Guihete où la section économique a été ajoutée. Toutefois, les salles de classe sont suffisantes comme l'indique Leonidas Nakarutimana, directeur de cet établissement scolaire. La direction communale de l'enseignement dans cette commune demande que le ministère de leur ressort leur donne des enseignants qualifiés pour ces nouveaux cours. Le reportage avec Christella Nizigama. Le lycée communal de Guihete est l'un des 9 établissements secondaires que compte la direction communale de Guihete en province Gitega, une direction qui compte 28 écoles fondamentales, dont 16 qui vont de la première année à la 9e année et 12 de la première année à la 6e année. Le directeur de ce lycée fait savoir que les enseignants sont suffisants, mais que celui de la nouvelle section économique manque encore. Leonidas Nakarutimana. Ici au lycée communal de Guihete, comme nous avons 3 sections, il y a la section de langue, la section des sciences, une nouvelle section que nous allons débuter l'année scolaire qui va débuter très bientôt, qui est la section économique. Un seul enseignant nous manque, notamment un enseignant qui va dispenser le cours en matière de droit, parce que dans la section économique, il y a l'introduction au droit. C'est le seul enseignant que nous n'avons pas ici. Sinon, les autres professeurs, nous les avons, parce qu'il y avait des enseignants qui dispensaient des cours en 10e année et des enseignants qui dispensaient des cours au cycle supérieur, notamment section lettres modernes et section scientifiques. C'est ce même professeurs qui sont là et qui vont dispenser des cours. C'est ce même professeurs qui sont en train de subir la formation. Havialimana Edouard, un des enseignants de ce lycée, fait savoir que la nouvelle méthodologie introduite va aider les apprenants dans leur vie active. La formation qu'ils acquérissent ne correspondait aux réalités de la vie actuelle. Mais à présent, la présente approche méthodologique que nous allons bientôt amorcer pour cette année scolaire 2016-2017 répond réellement aux réalités de la situation actuelle dans la vie courante. Donc nous aussi, nous serons capables d'enseigner en suivant cette nouvelle méthodologie que nous allons appliquer, qui nous est proposée. Selon Kavanyana Géraldine, directrice de l'enseignement communal à Guihete, les 3 sections nouvellement introduites n'ont pas d'enseignants qualifiés, raison pour laquelle elle en demande au ministère de leur ressort. Ici à la direction communale, nous avons 3 sections nouvellement établies via économique, au lycée communal Guihete et sciences sociales et humaines au lycée Arthur Chisson ainsi que électricité industrielle à l'ETEM Guihete. Vous avez assez d'enseignants qui ont suivi des formations pour le poste fondamental? Oui, nous avons, mais il y a dans les sections nouvellement ouvertes, il y a comme la nouvelle section sciences sociales et humaines, nous avons peu d'enseignants qui ont suivi le formation pédagogique et nous demandons que l'État ou notre ministère peut nous donner d'autres enseignants qualifiés, par exemple en pédagogie ou bien en économie pour ces sections. L'examen national de l'école fondamentale en 9e, 133 élèves sur 247 ont réussi, alors qu'en 10e, 214 sur 281 ont réussi. Une information confirmée par le directeur du lycée communal de Guihete. Merci à Christella Nizigama pour ce reportage. Ainsi, à 13h14 dans le studio de la radio Isanganiro se referme ce journal. Mais je vous en rappelle les titres. 6 écoles d'excellence au niveau national vont être ouvertes au début de l'année scolaire 2016-2017. Ces écoles accueilleront les premiers des classes de 6e année au niveau national. L'annonce a été faite ce mardi par la ministre burundaise de l'Éducation et de la Recherche scientifique. Désormais, tout conducteur de taxi-moto doit disposer de 2 gilets de couleur bleu ciel. nous a dit dans ce journal le directeur général des transports, qui a en outre indiqué que la mesure ne vient pas pour lever celle interdisant les motards d'arriver au centre-ville de Bujumbura. Et quatre jeunes gens de la commune Mugamba en province Bururi ont été arrêtés puis retenus au cachot de la police de cette commune. Ils sont accusés d'avoir tué une fille de Nyagasasa le week-end passé. Et 50 000 francs burundais, telle est l'amende que doit payer chaque élève du lycée Musinzira en province Gitega pour avoir participé à une bagarre, les ayant opposés à ceux du lycée de Gishubi de la même province. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser, à Eric Ouimana qui assure la mise en onde. Je lui dis également merci. Très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.